Bonjour, c'est Daniel Fievet. Après 2 mois de bivouac sur France Inter, je vous donne un nouveau rendez-vous. France Inter fait sa rentrée. Tous les samedis après-midi, du vent dans les synapses. 2 heures pour explorer le monde des sciences et exercer sa curiosité tous azimuts. Au programme de ce nouveau magazine, les dernières découvertes expliquées par les chercheurs, l'actu des labos décrypté par des journalistes et le récit de grandes expéditions menées par les scientifiques. Du vent dans les synapses. C'est dès ce samedi sur France Inter, à partir de 15h.